إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، je voudrais d'abord m'excuser pour ma voix, hein, je suis un peu malade à la coulée. Avant de commencer le cours, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On était arrivé au 30e bénéfice qu'on avait terminé d'ailleurs, et donc on devrait commencer le 31e bénéfice tiré des recommandations de Luqman à son fils par Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad al-Badr hafidahullah ta'ala. Et avant de commencer, comme je disais, je voudrais encore vous donner l'opportunité de gagner quelques petits cadeaux. C'est pour ça que d'ailleurs j'étais un petit peu en retard. Je vais attendre que la Mektaba soit ouverte pour vous acheter quelques petits cadeaux. Et alors il y a un très très beau cadeau pour les sœurs, j'en ai que un. Hein, c'est une compilation de 3 volumes, 1500 questions de Cheikh Ben Baz. Un recueil de fatwa de Cheikh Ben Baz, il y a 1500 questions posées à Cheikh Ben Baz. Il en 3 volumes. C'est une valeur de 25 pounds. Hein. C'est, donc je donne les questions aux sœurs pour qu'elles puissent gagner cela. Première question, et ça doit être fait par écrit avec la kunya, etc. C'est une biographie de Luqman, avec la référence que j'ai citée pendant le cours. Et je voudrais savoir aussi, comme deuxième question, qui est le contemporain de Luqman, hein? C'est la deuxième question, ça, hein? Ouais. Troisième question, quelles sont les causes qui font que Luqman a mérité cette sagesse qu'Allah lui a donnée? D'ailleurs, la première question va vous aider à répondre à la troisième. D'accord? Plus un résumé du cours d'aujourd'hui, complet, avec les références. S'il y a deux sœurs qui sont à égalité, si une sœur le fait en arabe, elle aura préséance, elle aura précédence sur le cadeau. Évidemment, l'arabe, c'est toujours au-dessus, hein? D'accord? Mais pour faire facile, je ne mets pas une condition de langue, parce qu'il y a des sœurs qui sont francophones, c'est une dora francophone. Donc, j'ai dit, combien c'était de questions en tout? Hein? Ça faisait 4 avec le résumé, non? Hein? Je répète les questions, d'accord? On avait dit une biographie de... Les frères peuvent la faire aussi, hein, à titre d'exercice. Ils n'auront pas 3500 questions, ça c'est clair. Donc, on a dit quoi? On a dit qu'une biographie de Luqman, avec quoi? Les références? La référence en tout cas que j'ai donnée. Deuxième question, c'est un contemporain de qui? Luqman, d'accord? Troisième question, quelles sont les causes qui font que Luqman a mérité cette sagesse qu'Allah lui a donnée? Et quatrième question, un résumé complet du cours d'aujourd'hui. D'accord? Plus, cinquième question, sur la mère et les parents. Quelle est la position du musulman vis-à-vis des parents à avoir? Et quelle est la différence entre le père et la mère, avec preuve? Hein, c'est pas difficile, franchement, non? Vous trouvez? Ça va? Hein? Non, c'est trop? Non, ça va, je crois que c'est au niveau de ce qu'on a dit, donc je crois que je suis juste là, à ce niveau-là, Allahu a'lam. D'accord? Pour les frères et d'autres cadeaux, c'est un peu plus, hein, de plus modeste dimension, on va dire. mais il y a des cadeaux quand même aujourd'hui, inshallah. Après ça, on commence directement le cours. Et je voudrais que les sœurs qui nous écoutent fassent passer le message aux sœurs qui arrivent en retard, pour qu'on soit juste avec tout le monde, qu'on donne l'opportunité à tout le monde de participer à cela, hein, et qu'elles écrivent, s'il vous plaît, de manière nette, précise, hein. Je suis un prof, quand c'est pas propre, je corrige même pas. D'accord ? Que ce soit propre, que ce soit bien fait, hein, que ce soit clair, que je dois passer des heures à essayer de déchiffrer, d'accord ? Et qu'elles n'oublient pas de mettre leur kunya. Ok ? C'est pour quand ? Bonne question. Ça, c'est un prof aussi, il doit toujours donner une date, hein, et un moment. Eh bien, la fin de la Daura, c'est bon ? Vous pensez ? Hein ? Hein, c'est bien, hein ? Ok. Faut pas le taper sur l'ordinateur, hein, c'est juste à la main. Hein. Ok ? Ah, on essaye, alhamdoulilah. D'accord, donc pourquoi la fin de la Daura, c'est-à-dire le dernier cours, la clôture, ça va ? Si possible, avant le dernier cours, qu'on puisse annoncer Annie, les résultats. On commence. Al-fa'idatu al-hadiyatu wa al-thalathun. Le 31e bénéfice tiré donc des recommandations de Luqman à son fils, qui commence par le verset « وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ » jusqu'à la fin de la page. Et je suis étonné qu'il n'y ait aucun frère qui soit encore venu me réciter la page de Sourate Luqman que j'ai dit qu'il y a un cadeau pour toute personne qui la mémorisera. « أَهَمْيَةُ اخْتِيَارِ الْجَلِيسِ فَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنْ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ مَنْ شَاءَ وَكَمْ قَدْ يَحْصُلُ مِنْ ضَرَرٍ لِلْإِنْسَانِ بسبب الجليس فالعبد مطالب بأن لا يجلس مع كل أحد وإنما يجالس أهل الخير والفضل والنبل وهذا أيضا مستفاد من قوله واتبع سبيل من أناب إلي. Le 31e bénéfice donc tiré de ces recommandations de Luqman à son fils, eh bien c'est l'importance, et justement un sujet d'une autre importance, de choisir la personne avec qui l'on s'assoit. Je répète ce point-là, l'importance de choisir la personne avec qui l'on s'assoit. Et pour le frère aussi, allez, je vais donner une compétition pour les frères aussi. Le frère qui me fait un résumé du cours avec toutes les références, il a Sharh al-Ha'iyya d'Ibn Abi Daoud de Cheikh Al-Fawzan, c'est un moujellet, c'est en cuir, c'est un beau volume, d'accord ? Ça va ? Avec toutes les références. Et j'oublie encore une autre compilation pour les sœurs de Fatwa, mais en deux volumes. Il faudrait que je trouve quelque chose pour les... Hein, ou bien je la donnerai à la deuxième. Car il n'appartient pas aux croyants de s'asseoir avec qui il veut. Et ça, c'est important de comprendre, ya ikhwa. Hein, des fois, on pense qu'on peut s'asseoir avec qui on veut. Ça ne nous appartient pas, ça, ya ikhwa. Hein ? Et chérie, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit... Combien de mots peuvent arriver à un individu à cause de la personne avec qui il s'assoit ? Une belle parole que j'aime bien dire dans mes cours. Et les frères qui connaissent, ils savent bien que j'aime pas sortir du cours, mais hein, quand on sort d'un livre, c'est pour entrer dans un autre livre en général. Eh bien, c'est Sharh Hilya Talib al-Ilm de Sheikh Al-Uthaymeen. Il a divisé, c'est une parole qui m'a beaucoup touché quand je l'ai lue, il a divisé les amis en trois catégories. Il a dit, Sahibu Ladha, celui-là éloigne-toi de lui. Il a dit, Sahibu Manfa'a, le même hukm, éloigne-toi de lui. Et le seul, regardez, la seule catégorie avec laquelle tu dois rester, c'est Sahibu Fadila. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, Sahibu Ladha, hein, c'est celui avec qui tu prends du plaisir dans tes loisirs et tu, comme ils disent les jeunes, tu traînes avec lui. Hein? D'accord ? C'est-à-dire qu'il te connaît que pour, justement, c'est une expression que j'aime pas du tout que les jeunes disent, tuer le temps. Comment un musulman peut dire ça, tuer le temps ? Alors connaissez la valeur du temps, hein, en islam. Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit une superbe parole, il a dit, le temps il est en deux catégories, tu le divises en deux. Le temps qui est passé, et tu ne sais plus y revenir. La seule chose qui te reste à faire, c'est l'istighfar. Et le temps qui te reste, et tu ne sais pas combien il te reste, travaille donc, œuvre donc. Hein? Et c'est une narration par le sens, pas par la formulation, d'accord, hein? Et on a dit quoi par rapport à sahibul ladha? C'est celui qui? Hein? Ah, c'est ça. Le plaisir, il veut perdre son temps avec toi. Hein? Ladha dans le sens quoi en arabe, ladha? Ouais, en français c'est? Yani, il goûte avec toi, il passe le temps, il. Hein? D'accord? Puis un autre qui s'appelle sahibu manfa'a. Celui-là te connaît que parce qu'il veut quelque chose de toi. Par exemple, tu as une sœur. Tu as une sœur. Et c'est ton grand copain. Pourquoi? Parce qu'il veut se marier avec ta sœur. C'est un exemple que je donne. Admettons qu'il fasse le pas de se présenter, il y a un refus, il ne te connaît plus. Hein, je vois des sourires. Et on peut mettre ça avec le commerce, on peut mettre ça avec beaucoup de choses. Hein? Une position, etc., etc. D'accord? J'ai dit qu'il ne te connaît que pour ça, c'est ça. Il veut ça de toi. Là-haut, quoi? Manfa, il veut quelque chose, il veut tirer quelque chose de toi. Et uniquement pour ça, il t'aime pas pour Allah Azzawajal, il veut cette chose-là de toi. Et tout ce que je dis ici, c'est valable pour les sœurs aussi. Hein? Et le troisième, et c'est la seule catégorie que Cheikh Al-Uthaymeen, il dit que tu dois, à laquelle tu dois t'accrocher. C'est Sahibu Fadila. C'est qui Sahibu Fadila? Alladhi yahuthuka ala al-khair. Celui-là, si tu le retrouves un, mon frère, ma sœur en Allah Azzawajal, cramponne-toi-y. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est celui qui t'incite au bien et qui t'interdit le mal, puisqu'il justement il t'aime en Allah Azzawajal. Quand tu aimes quelqu'un en Allah Azzawajal, tu vois qu'il dit quelque chose ou qu'il fait quelque chose. De pas bien, tu dis taqillah. Hein? Il y a des gens, taqillah, c'est venu que quand ils s'énervent. Oh, taqillah, non. Taqillah, c'est nasiha. Tu lui rappelles de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une belle parole. Et taqwa dans la langue arabe, ça vient de l'wiqaya, la protection. C'est comme si l'ulama dit, c'est comme si tu mettais une protection entre toi et la punition d'Allah Azza wa Jalla, le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Et vous connaissez la parole de Talq ibn Habib, qui me la rapporte, il a un siwak. La définition de, en arabe, hein? La définition de Talq ibn Habib, il lafd. Tfaddal. Vas-y, à ton aise. أن يجتنب معصية الله عز وجل. مخافة من عقاب الله على كل حال أحسنت جزاك الله خيرا بس الماتان un peu là j'ai mis en jambe là hein. Les Anglais ont une belle expression on the spot. On continue les frères. Eh bien, combien de maux peuvent arriver à un individu à cause de la personne avec qui il s'assoit? Il est voulu du serviteur qu'il ne s'assoie pas avec tout le monde. Mais il se doit uniquement de s'asseoir avec les gens du bien et les gens nobles. Ceci aussi est pris de la parole d'Allah. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ Regardez les ulama. Depuis hier, on est là-dessus. Hein? Regardez combien de fawaïd ils tirent. Cheikh Abdelzar, les savants tirent des textes coraniques. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. D'accord? Le 32e bénéfice. الفائدة الثانية والثلاثون. فضل الإنابة إلى الله. ومكانة المنيبين. وهذا ظاهر من قوله واتبع سبيل من أناب إلي. فجعل الله سبيل المنيبين سبيلا تتبع وطريقا تسلك. والإنابة إلى الله تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. قال ابن القيم رحمه الله. Pour les frères rabophones qui notent cette phrase, C'est une phrase très très importante d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Fala yastahiqu ism al-munib illa, c'est un istisna ici, illa man ijtama'at fihi hadhihi al-arba'. Wa tafsir as-salaf li hadhihi al-lafdhah yadour 'ala dhalik. Madarij as-salikin. Qui a parlé de madarij as-salikin pendant cette conférence? Ammar, ahsantoum. Prochaine fois, essayez de lever la main que hein, je ne me retrouve pas à essayer de partager un livre entre deux personnes. D'accord? C'est Ammar, exactement. Pourquoi? Vas-y. Exactement, parce qu'il parlait de Iyaka na'boudou et Iyaka nasta'in. D'ailleurs, si je me souviens bien, le titre complet de Madarij Salikin, c'est Madarij Salikin fi bayani manazil Iyaka na'boudou et Iyaka nasta'in. Trente-deuxième bénéfice. La préscience de se tourner vers Allah et le statut occupé par ceux qui se tournent vers Allah, qu'on appelle en arabe Al-Muni, Al-Muniboun, qui vient de quoi en arabe? Al-Inaba. Qui se donne un verset du Coran avec Inaba? Salafi, c'est ça. Cheikh Mohamed Ben Hadi Al-Madkhali donne une très bonne nasiha. Hein, notre savant de Médine, il dit, les débutants, il a dit, donnez-leur un dalil, c'est suffisant. Et puis quand ils avancent un peu, 3-4 dalils pour une mas'ala. Et puis quand ils avancent un peu, à ce moment-là, tu rapportes le kitab, wa sunna, wa salaf, 30-40 dalil pour une mas'ala. Hein? C'est ça le menhajia. Maintenant, inaba dans votre tête, définition, un dalil, et tu avances. Chaque salafi doit être capable de faire ça. C'est quoi l'inaba, les frères? Ou en tout cas, donnez-moi un dalil. On va dire, c'est se tourner vers Allah. Hein? Et c'est quoi? Tfadal. Un livre de... d'un cheikh de Médine. Donc Al-Muniboun qui vient de l'Inaba, et ceci est apparent dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa tabi' sabila man anaba ilay, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Et comme on avait dit hier, il y a aussi un dalil là-dedans de quoi? Du suivi de qui? Le sahaba. Et certains ulama, ils ont dit le suivi de qui? C'est le sentier de qui? Abu Bakr radiallahu anhu ardah. Car Allah fait du sentier de ceux qui se tournent vers lui une voie à suivre et un chemin à prendre. Al-Inaba, se tourner vers Allah, si vous voulez en français, comporte 4 degrés. Notez-les. Le premier, aimer Allah. Aimer Allah. Le deuxième, se soumettre à lui. Le troisième, se tourner vers lui. C'est-à-dire, le mot ici, il est très, il est un peu faible, je trouve. Al-iqbalu alay. En français, hein, je dis, il est un peu faible. Et se détourner de tout autre que lui. Quatrième, al-i'radu amma siwa. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit une belle parole. Qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense vers le Firdaus al-A'la. N'oublie jamais de faire dua pour nos savants. Et je ne voulais pas interrompre notre frère Hassan ce matin quand il a parlé du hadith, du verset du Coran. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu ila akhir al aya. Cheikh Abd Razzaq al-Badri dit une belle faïda. Que certains savants du hadith, ils ont authentifié un hadith qui dit que chaque personne qui fait cette dua, elle reçoit une hasana pour tout croyant. Il n'a pas cité. Il a dit, وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ. Il a dit comme ça. شَرْحْ أُسُلْ تَلَاتَ. La cassette, Allah, je ne me souviens plus. Troisième, quatrième cassette. Regardez. Pour chaque... Parce que qu'est-ce que tu dis? رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا لِيَخْوَانِنَا وَلِيَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِي بِالْإِيمَانِ. Donc faites dua pour tous les croyants. Hein? Et Cheikh, il dit que chaque croyant, tu as une hasana en disant cette dua-là. Hein? Quatre degrés, j'ai dit. L'inaba, aimer Allah. Se soumettre à lui. se tourner vers lui et se détourner de tout autre que lui. Je répète, aimer Allah, se soumettre à lui, se tourner vers lui et se détourner de tout autre que lui. Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit, hein, et c'est maintenant que je rentre dans la porte d'Ibn Qayyim en fait, n'a le droit d'être appelé munib que, c'est une restriction ça ici, hein, que celui qui a réuni ses quatre degrés. Et l'explication des pieux prédécesseurs de ce mot munib tourne autour de cela. Je vous donne la source, Madarij al-Salikin, volume 1, page 434. Le 33e bénéfice. Al-fa'idatu al-thalithatu wa-thalathun. Inna a'mal al-ibad kullaha muhsatun alayhim yajidunaha hadiratan yawm al-qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Et ça, ça rejoint le point de la Daura ici, parmi les perles du Coran sur l'aqidah. Le 33e bénéfice, c'est quoi ? Toutes les actions, yarhamukallah, toutes les actions des serviteurs sont recensées. Et ils les trouveront le jour du jugement dernier. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. La traduction du sens dit : vers moi, ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Et ça, ça nous aide à quoi ? À craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein ? Là, on était ensemble hier soir, mashallah, une bonne ambiance avec les frères, on se voit là, à droite, à gauche, ici, à la mosquée, en dehors. Hein ? Alhamdoulilah, on est tous là aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui ne seraient pas là aujourd'hui. Et ça nous est déjà arrivé dans cette mosquée, un frère, hein, il y a quelques années, 34 ans, s'est couché, il ne s'est pas réveillé. Priez avec nous ici. Hein, les frères, le frère Mourad ici le connaît. On dit maintenant Rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde à Ikhwa. Hein? Et d'autres, on a eu plusieurs. Hein? Des enfants. Ici, on a prié sur eux. Ici, exact, à l'endroit où je suis, on met le corps ici. À l'endroit où je suis. Hein? Faut se rappeler ça, Ikhwa. Hein? Imaginez-vous qu'on essaie de se rappeler le maximum que. Voilà, c'est peut-être mon dernier jour, c'est peut-être mon dernier instant. Comment est-ce qu'on va être ? On va être différent, hein ? 34e bénéfice. Al-fa'idatu al-rabi'atu wa-thalathun. Inna ash-shirka la burhan 'alayh. Et des fois, ça fait peur d'y penser. Quand on y pense vraiment avec profondément, imagine-toi là, t'khalas, t'es parti. Tu ne sais plus faire d'action. Ici, c'est dar al-amal et t'es parti, dar al-jaza. C'est fini, akhi fillah. À part les choses qui continuent après ta mort, on sait bien. Alors fais attention avant qu'on... Hein, parce qu'il y en a, ils ont des fois la parole facile en ce qui concerne les frères et les sœurs, et surtout ceux qui font la prêche. Ils n'ont rien à faire de leur journée, shaitan, il vient, hein, et ne trouve rien de mieux à faire autour d'un café que de parler des frères la sunna qui font da'wah, et de les critiquer. Et d'avoir le mauvais soupçon envers eux. Attention à ça. Hein, c'est peut-être pas le frère, il fait peut-être doua sur tous ceux qui, hein, ils sont injustes envers lui. Vous connaissez le hadith, wattaqi da'wata al-madlum, c'est qui a dit ça? Le prophète sallam à qui? Hein? À qui? Mu'ad, quand il l'a envoyé, wattaqi da'wata al-madlum fa inna laysa baynaha wa bayna Allah ahsant hijab. Tafaddal. Je te redonne quelque chose pendant cette doura. Hein? Fika barakallah la hafdak. Hein? Faire attention à Hada, hein, à la langue. Et encore plus pire quand ça vient au savant. Les ulama ils disent Luhum l'ulama msmouma. Man shammaha marid, wa man akalaha mat. Et combien j'en ai connu moi? Je disais salafi au début, etc. Et puis ils ont commencé à parler sur les savants, out of the way, comme ils disent. Certains irtaddu an dinillah. Certains ont été jusqu'à l'apostasie. Faire attention, la viande des savants est empoisonnée. Hein? Et celui qui la sent tombe malade. Celui qui la mange meurt. Faites attention. Mais il ne faut pas entrer comme Ahl Bida'a, qu'on parle pas sur Ahl Bida'a là-haut. Moi, je parle pas de ça là ici. Je parle de quoi? De parler sur? C'est avant de la sunna. Attention, les gens de science de la sunna. Dîn et sunna, hein, c'est Hassan, il nous l'a gravé celle-là. Hein? Hein, digne de ce nom, c'est vrai, il a tellement raison, digne de ce nom. Ça veut tout dire. Ismoun ala musamma. Hein? Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et ce n'est pas que les douats, c'est aussi les frères et les sœurs en Allah, azawajal. Des fois ça part vite. Hein? Et des fois on tombe dans le riba, on ne le sait même pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié, on ne sait pas c'est quoi le riba. C'est vrai ou pas? Hein? Ton frère là de tourner, tu fais un petit clin d'œil comme ça, tu fais un petit geste, c'est un riba ça. Même un geste, c'est une riba. Attention, les frères. Hein? Retournez à, par exemple, Riyad Salihin, l'imam Nawawi, rahimahullah. Il a même fait un chapitre, Bab, ma yajouz, yajouz min al riba. Qu'est-ce qui autorise dans la riba? Il rapporte un poème très connu chez le Mashir, il rapporte 6 points. Et le tafsil des ulama, etc. etc. Hein? D'accord? Et aussi les du'at en Allah Azza wa Jal, on est tous du'at à notre niveau. Eh bien, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'arrête à ça. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il dit, Hafidahullah, il dit que tu te revendiques un suiveur du prophète, alayhi wa sallam, et tu ne veux pas avoir ta portion des préjudices qu'il a eu. Comment on peut être un héritier sans avoir ta portion de l'héritage? Quand c'est l'argent, on veut tout, hein? Hein? Et on lit tous, يعلم رحمك الله ويجب علينا تعلم أربع مسائل إلى آخره, hein, كلام شيخ معلوم jusqu'à ce qu'il arrive, hein, الأولى العلم, hein, وهو ماذا؟ معرفة الله ومعرفته نبي معرفة دين الإسلام بالأدلة والثانية العمل به والثالثة الدعوة إليه والرابعة الصبر على الأذى فيه. On le récite et puis, hein, c'est juste des mots qu'on récite des fois. Il faut patienter. On va le voir dans un instant. Inna dhalika min azmi al-umur. C'est pas facile. Toi, tu te crèves à faire des cours, à travailler, hein? À faire. Pourquoi? Parce que comme on a dit, tu aimes tes frères et sœurs. En Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que tu passes peut-être des jours de congé, etc. Hein? Nuit et jour, etc. Peut-être pour préparer les cours. Comme nos frères Hassan et Ammar et d'autres préparent à longueur d'année, hein? Depuis, pour certains, ils étaient peut-être dans da'wa avant peut-être que nous-mêmes commençons à pratiquer qu'on soit musulmans. Hein? Et puis le jaza de quoi? C'est quoi des frères et de certains frères et de certaines sœurs? Hein? C'est qu'ils parlent sur toi, et ils mentent sur toi, et ils inventent des choses sur toi, etc. Wal'adou billah min dalik. Mais alhamdoulilah, le da'i ne doit pas s'arrêter à ça. Et c'est peut-être Allah, il te veut un khir et tu ne sais pas. Hein? 34e, j'avais dit. Hein? En tout cas, on a fini le 33e, je l'ai traduit. Ouais. 34e. Al-fa'idatu al-rabi'atu wa thalathun. Inna al-shirka la burhana alayhi wa la hujjata li ahlihi alayhi. Wa hada ma'khudun min qawlihi. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilm. Wa hada mithlu qawli tabaraka wa ta'ala. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih. Surat al-mu'minun, verset 117. فالشرك أيا كان نوعه وأيا كان صفته لا برهان عليه هذه صفة لازمة للشرك في كل أحواله وفي جميع صوره. يعني بل فائدة ici dans l'aqida. 34e bénéfice, l'association n'a aucune preuve et les gens qui la commettent n'ont aucune preuve pour eux. Ceci est pris de la parole d'Allah. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٍ. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance. Comme la parole d'Allah, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence, eh bien, surat al-mu'minun, verset 117. Surat al-Mu'minun, verset 117. L'association de quelque type que ce soit, quelle qu'en soit sa caractéristique, n'a pas de preuve évidente. Et ceci est une sifatun lazim en arabe. C'est une caractéristique inhérente à l'association quelle que soit sa forme et quelque situation que ce soit. Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai fait 31, 32, 33, 34. Celui qui me répond, il me rapporte les... Allez, je vais être gentil. Une d'entre elles, il a un livre de Cheikh Falah Ismail sur le Qadar. Qui est docteur dans l'Aqida. Préférence, quelqu'un qui n'a pas encore répondu. Préférence, j'ai dit. Ou qui n'a pas encore eu de cadeau, je veux dire, pendant cette daura. T'as eu un cadeau, toi, non? Non? Mais il a répondu en premier. Après, je te donne le deuxième, ça va? Vas-y. Ah, la question, c'est quoi? C'est qu'il y en a qu'un frère, ou les sœurs aussi, elles peuvent envoyer une feuille qui me donne un des bénéfices qu'on vient de voir aujourd'hui, 31, 32 ou le 34, ou le 34e. T'as reçu un cadeau, toi? On y prend vite goût, hein? Le frère derrière, il n'a pas encore eu de cadeau. Vas-y. N'importe, pas dans l'ordre, c'est pas grave. Ah, tu viens d'arriver. Bah, tu fais celui que le 34, vas-y. Ouais. D'accord, excellent. Tfadal. On n'a pas beaucoup de livres en français, mais à la koulihal, hein? Ça va? Tfadal. D'accord, qui me donne un autre? Préférence parmi les frères qu'on parle. Vas-y, toi. Ouais. Je t'avais promis en plus. Hein? Ton, ta preuve? Faut parler avec preuve, mon frère. Hein? Salat l'Orman. Tu prends pas de risque en disant ça. C'est vrai? Et vers moi sera le retour et je vous informerai de ce que hein, vous faisiez. Non? C'est la page qu'on fait de Surat Luqman. C'est la même page. Et si tu veux que je donne le verset, le numéro en tout cas, c'est bon? Ça va, alhamdoulilah. En général, je le fais. Comme on a cité Mu'minun, depuis le début du cours, j'ai cité le Mu'minun 117. Hein? Un livre sur l'akhlaq. Vas-y, allez, relis les notes. T'as pas encore sur de cadeau, je vais être gentil, vas-y. Allez, les frères, parce qu'on doit avancer. Il en faut encore deux. Il y a des timides, il y en a, ils répondent jamais. Hein. Je le sais, je les connais. Je les vois, ils se cachent un petit peu. Ils sont, hein? Il y en a par contre, là, ibarak, masha'Allah. Hein? Ils vont faire des... Hein, à force de lever la main, hein? Zakaria, vas-y, allez. Tu donnes un siwa quand tu réponds bien. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Parle plus haut. Allahu Akbar, l'inaba. Tiens, un petit siwa pour toi. J'ai une petite question pour la petite fille là aussi. Il est où, Allah? Ça, c'est les sœurs qui répondent. C'est mon fils, ça, machallah. Il y a beaucoup de sœurs qui ont répondu. Il y a une sœur qui a répondu en arabe, mashallah, ahamiyatou. Subhanallah, naam. Elle parle sur le bon compagnon. On a parlé de ça ou pas, hein? 31, c'était juste. Fadlul inabati ilallah, 32, c'est juste. Anna shirk, ou inna shirk, la burhana alayh. Sahih. Elle en a donné trois. Mais je lui donne un livre de sur l'akhlaq aussi. En français, se tourner vers Allah inaba, 4 degrés. Aimer Allah, se soumettre à lui, se tourner vers lui. Iqbalu alayh, se détourner de tout autre que lui. Ibn Qayyim, le sentier des itinérants, n'a le droit d'être appelé munib que celui qui réunit ces 4 degrés. Excellent. Les sœurs, qu'Allah les préserve, c'est encore plus difficile pour elles de pratiquer la sunna de nos jours que pour nous, hein, donc faut faire doua pour nos sœurs. Ça fait toujours plaisir quand on voit des sœurs qui طلب العلم. Il y a notre sœur qui dit, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de kunya, préscience de se tourner vers Allah et le statut occupé par celui-ci, 33e, les actes du serviteur d'Allah sont recensés et sont retrouvés le jour du jugement. Sahih. Il y en a beaucoup qui ont répondu. Point 32, préscience de se tourner vers Allah et le statut occupé de celui-ci. Al-In'aba comporte 4 degrés, puis les a cités. Et puis la porte d'Ibn Qayyim, il y a une kunya ici. J'ai une question aussi pour les sœurs, celle qui répond, hein, petite compétition encore, j'aime bien ce genre de choses, ça motive, ça suscite l'intérêt. C'est qui la sahabiya qui, lorsqu'elle s'est convertie, elle a été prise à la Al-Fajr dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et elle s'est mise dans le rang des hommes. Parce qu'elle ne savait pas. Imaginez-vous, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sahaba derrière, et elle se met dans les rangs des hommes. Et un sahabi lui a dit, « Arajulun anti amimra'ah » Il a dit, « Est-ce que tu es... » Il a senti, il a dit, « Est-ce que tu es un homme ou une femme ?» Elle a dit, « Oui, je suis une femme. » Il a dit, « Kitti anteftani nani. » Tu as failli me faire fitna. Et puis il a dit d'aller dans le rang des femmes à l'arrière. Cheikh Abdelzar, d'ailleurs, il a un petit cours là, sur son site, sur cette histoire. Regardez le wara. Il est salat le fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il dit Kitti entaftani nani. Si quelqu'un s'est envoyé, si les sœurs savent envoyer quelqu'un pour prendre les cadeaux, on continue. Pardon ? Compétition pour les sœurs. Si t'as donné la source, c'est de te donner. Il y a une petite kalima en audio, et c'est Mufarrar en PDF aussi, sur le site de Cheikh Abdelrazzaq. Toutes les références. Et... Là, j'ai déjà trop parlé, là. Hein, les sœurs qui ont iPhone, et, hein. Hein. Hein. 35e bénéfice. Quelle qu'en soit la forme, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Yannis, quel que soit le genre d'association, si tu veux, c'est ça que ça veut dire. Ça va ? Quelle que soit la forme que prend cette association. Non. Il y a les noms dedans, ça va ? 35e bénéfice. أهميت التأكيد عند دعوة الناس إلى الخير ونهيهم عن الشر بالرجوع إلى الله ومجازاته العباد على ما قدموه في هذه الحياة. فينبغي على الدعاة مراعاة هذا الأمر في الدعوة ولأهمية التأكيد على ذلك تكرر في قصة لقمان في قوله إلي المصير وقوله بعده إلي مرجعكم فهذا أمر يحتاج الناس إلى التذكير به مرات وكرات حتى يرسخ في أذهانهم قدوهم على الله ومجازات الله تبارك وتعالى لهم على الأعمال التي قدموها في هذه الحياة ليحسنوا الاستعداد والتهيؤ ليوم المعاد. Regardez le style, la prose du Cheikh. Le 35e bénéfice, et c'est très important, ça touche la aqida, ça touche le fondement de la religion. L'importance d'insister lors de l'appel des gens au bien et de leur interdiction du mal sur le retour à Allah et sa rétribution des serviteurs pour ce qu'ils ont fait dans cette vie. Il convient aux prêcheurs, et attention, on est tous prêcheurs à notre niveau, de prendre cela en considération lors de leur appel. Et c'est de l'importance, de l'insistance sur ce point que cela se répète dans le récit de Luqman. Ilayya al-masir, ilayya marji'ukum, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'amaloun. Vers moi est la destination. Puis, plus loin, vers moi ensuite est votre retour. Ce point d'être rappelé aux gens maintes et maintes fois, jusqu'à ce que leur retour à Allah et sa rétribution pour les actions faites dans cette vie soient enracinés dans leur esprit. Et ce, afin qu'ils se préparent comme ils se doivent pour le jour de la résurrection. Le 36e bénéfice. الفائدة السادسة والثلاثون. Je répète pour les sœurs qui n'étaient pas là au début du cours, peut-être viennent d'arriver, qu'il y a une compilation en 3 volumes à gagner de 1500 questions de Cheikh Ben Baz, posées à Cheikh Ben Baz. Qui s'appelle d'ailleurs Al-Mawsou Al-Baziya min al-Masa'il al-Nisa'iya. 1500 questions qui touchent la femme. Comme j'ai dit, ça a une valeur de 25 pounds. Et donc, c'est la sœur qui va répondre aux 5 questions que j'avais données. Et qu'il écrit, qu'il met sur papier de manière nette avec sa kunya. Et pour les 5 questions, je ne vais pas les répéter, qu'elle se renseigne chez les sœurs qui étaient présentes au début du cours et qui ont noté les questions. إحاطة علم الله جل وعلا وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Le 36e bénéfice. Eh bien, c'est que Allah embrasse de sa science toute chose. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala, dans les cieux et sur la terre. Et regardez, ilm al-asma al-sifat, les fruits que ça donne. Quand tu sais ça, est-ce que tu t'en rappelles et que tu n'oublies pas? On tombe dans l'erreur, bien sûr. Est-ce que tu vas oser faire quelque chose d'interdit? En tout cas, si tu le fais, est-ce que tu ne vas pas vite revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et te sentir mal, même si personne ne te voit? Et même les enfants qui sont ici, les enfants, quand on est à la maison, et que papa et maman ne sont pas là ou qu'on est quelque part, on peut faire des bêtises. On peut faire des bêtises. Pourquoi? Parce que c'est qui nous voit, c'est... Et si tu es dans le noir, Allah il te voit ou pas? Même si tu es à la lumière, Allah il te voit? Allah il voit tout, il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Donc faut pas faire de quoi? Faut pas faire de bêtises, naam. Tiens, c'est pour toi. Safiya, viens, tiens. Inch'Allah. T'as se laissé passer l'ourt. La traduction du sens dit de ce verset, « Oh mon enfant, vous voyez à chaque fois, Ya Bounaya, Ya Bounaya. Ouais, » Abou Bakr, il va avoir difficile à répondre aux questions. Il est habillé comme un talib, il est prêt, mais il ne parle pas encore, donc comment on va faire? On te fait toujours demander? Oh mon enfant, fût-ce le bois d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre. Regardez, subhanallah, notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin. Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Latifun khabir. Et comme il a dit notre frère très justement, il y a des règles dans l'asma al-sifat, et parmi les règles que Cheikh Abd al-Razzaq cite dans Fiqh al-Asma al-Husna, c'est que les noms, ils ont un sens, on est d'accord. Mais quand il y a deux noms ensemble, eh bien c'est pour une raison. Et retournez à ce livre-là, vous allez voir que c'est très intéressant. Il avait cité, il avait dit l'Aziz al-Hakim, l'Latif al-Khabir, et d'autres. L'Ghani al-Hamid. Et quand ils arrivent à la fin d'un verset aussi. Parce que le verset sur le hukm de celui qui vole. C'est quoi le hukm shara'i, c'est? Et ce verset se termine par? Naam. Regardez, retournez à ça, une belle parole aussi des savants du tafsir par rapport à ce verset-là. 37e bénéfice. Al-fa'idatu sabi'atu wa thalathun. Athar al-iman bi asma'i Allah wa sifatihi. Regardez ce que je viens de dire, subhanallah. Fi salah al-abdi wa zaka'i a'malihi. Wa anna al-abda kullama kana billahi a'rafa kana minhu akhwafa. On l'a cité celle-là ou pas? Wa li'ibadatihi atlaba. Je vous rajoute celle-là. Cheikh Abd al-Razzaq nous rajoute celle-là. Wa li'ibadatihi atlaba. وعن معصيته أبعد. Je la répète celle-là, elle est belle, كلما كان العبد بالله وكلما Il lui comme un cheikh ici, an al-abd kullama kana billahi a'rafa kana minhu akhwafa wa li ibadatihi atlaba wa an ma'siyatihi ab'ada wa qad takarrara tadhkiru luqmana bi asma'illahi wa sifatihi. Vous voyez donc la raison pour laquelle j'ai choisi ça pour cette dawra, parce que via le Coran ici on traite tous les sujets, c'est juste ou pas, hein? 37e bénéfice, l'influence de la foi en les noms et attributs d'Allah sur la vertu d'une personne et la pureté de ses actions. Au plus le serviteur connaît son Seigneur, au plus il le craint, et au plus il cherchera à quoi ? À l'adorer. Et au plus il s'éloignera de sa désobéissance. Si tu sais l'aider, parce que ça le déconcentre d'écouter. Tout à l'heure, il essaie d'ouvrir son siwa comme skin. Hein? Luqman a de manière répétitive appelé les noms, rappelé les noms, pardon, et les attributs d'Allah. Le 38e bénéfice. On en a fait 31, 32, 33, 34. On a déjà parlé de cela. On a déjà interrogé sur cela. Mais on en a fait quoi ? 35 et 36 et 37. 3. Alors, qui me rapporte les 3 ? Il a un livre. De préférence, encore une fois, parmi les gens qui n'ont pas encore reçu de livre. Ou de cadeau. Tu es parti encore ? Non, vas-y. L'importance d'insister lors de l'appel des gens au bien et l'interdiction au mal, l'interdiction du mal, naam, à quoi ? Sur quoi ? Qui sait l'aider, Alain ? Qui sait l'aider ? Vas-y. C'était ça qu'on avait dit ? Le retour, voilà, c'est ça. Ahsan, c'est bon, vas-y. Le deuxième. Non, ça y est. Allah embrasse sa science toute chose et rien ne lui échappe. Ahsant, allez, encore un et tu as le cadeau. En quoi ? Et au tribut d'Allah. C'est important des fois aussi que vous notiez avec vos mots à vous. Hein ? C'est bien d'essayer de se rappeler la formulation, mais hein ? C'est bien des fois de noter avec vos mots à vous. Mais c'est très juste ce que tu as dit. Hein ? Et aussi, c'est ce que je voulais, c'est que quelqu'un réponde parce qu'il comprend de la chose. Parce que des fois, on peut noter quelque chose et pas la comprendre. Hein? Donc, de ta compréhension de la chose. Toi, tu as très bien compris que quoi ? Que l'influence des noms, de la croyance en les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla, et de s'en rappeler, eh bien, ça influe sur quoi ? Sur ta... Exactement, sur ta vertu toi-même. Hein? C'est-à-dire sur ta piété, comme sur ta foi, comme tu as dit. Exactement, hein? Et on peut dire aussi sur ton relationnel avec Allah Azza wa Jal. D'accord? Tfadal. Tu choisis un des deux ici, ça va? Il y a un sur l'aqida et un sur les comportements. Le 38e bénéfice. Al-fa'idatu thaminatu wa thalathun. Ahamiyatu tarbiyati al-abna ala muraqabati Allah. Fa'idha qulta libnika, et ça j'en ai déjà parlé. لا تفعل هكذا فلا تجعل يراقبك أنت وإنما وجه مراقبة الله في أعماله فقل له مثلا يا بني صلي وابتعد عن الحرام لأن الله يراك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية وإنك لو تفعل يا بني خطأ صغيرا ولو كان هذا الخطأ في داخل صخرة صماء أو في السماء أو في أعماق الأرض سأتي به الله يوم القيامة فانتبه يا بني وراقب الله جل وعلا وما أعظم نفع هذا عفوا في تربية الأبناء. 38e bénéfice, et ça c'est très très important pour dans l'éducation des enfants, j'en ai déjà parlé et je vous assure ça marche. Hein? Bidnillah, ça marche, ça fonctionne. C'est pour ça que tant qu'on peut à l'école, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'à Salafi School, les enfants ne font pas de bêtises, eh bien, que ce soit le directeur, ou que ce soit moi, ou que ce soit les autres professeurs, eh bien, nasiha, verset hadith, etc. Hein, on leur rappelle Allah Azza wa Jal. Et vous voyez que les enfants, quasi systématiquement, ils font tawbah. Ils disent, ouais, astaghfirullah, je ne ferai plus, etc. Hein? Au stade, je ne ferai plus, je ne ferai plus. Hein? Astaghfirullah, c'est pas bien. C'est... Hein? 38e bénéfice, l'importance d'éduquer les enfants sur la crainte d'Allah. Si tu dis à ton fils, ne fais pas ceci, ne le fais pas de manière à ce qu'il te craigne toi, mais oriente-le vers la crainte d'Allah dans ses actions. Dis-lui par exemple, oh mon fils, prie et éloigne-toi de l'illicite, car Allah te voit. Hein, dis pas je te surveille. Non, dis Allah te voit. Hein? Et il sait, imaginez-vous comment va grandir cette personne-là. Et quand il sera adulte, comment il sera? Sa relation avec Allah Azza wa Jal, bi-idhnillah. Hein? Il sait ce que tu fais et rien de ce que tu fais ne lui échappe. Oh mon fils, si tu venais à faire une petite erreur, et si cette erreur était à l'intérieur d'un rocher massif, ou dans le ciel, ou dans les profondeurs de la terre, Allah le fera venir le jour du jugement dernier. Hein? Il y a un jour un enfant, il m'a mis les larmes aux yeux à l'école. Il est toujours à l'école d'ailleurs, ce petit enfant, mais c'était en troisième année, il avait 7 ans à l'époque quand il a dit ça. Il avait fait quelque chose de bien, et je l'ai remercié, je lui ai dit c'est bien, Ahsan, c'est très bien, Jazakallahu khairan, et je lui ai donné un cadeau. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Oustaz, je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour Allah. Regardez le tawhid. Allahu Akbar. Hein? Tu n'étais pas encore là, toi? Hein? Non? C'était l'année passée. Hein? Et ça m'a beaucoup touché. Et ça a beaucoup touché tous les professeurs, d'ailleurs. Il a dit en anglais, il m'a dit, I did it for the sake of Allah, for the sake of Allah Azza wa Jal. Il m'a dit, je l'ai fait pour Allah Azza wa Jal. Hein? Celui-là, il n'a pas besoin d'un cadeau, il a besoin de deux cadeaux, Hada. Hein? Regardez un enfant comme quoi, des fois, il donne une leçon à un adulte. Le fitra. Petite faïda que je vous rapporte de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Et ça, je voudrais poser une question aux frères ici, qu'ils écoutent, en tout cas, que tu retraduises ce point-là, et que, hein, de préférence, par exemple, le frère qui n'a pas encore reçu de cadeau, hein, qui nous répète ce point-là. Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, dit dans la référence précitée, c'est volume 2 de ce recueil de fatawa, page 479, mais ça c'est pour les autres. Peut-être s'ils veulent lire aussi. Hein. Un rocher massif, parce qu'on parle d'un rocher. Un rocher massif dont personne ne peut accéder à son intérieur. Oui, personne. Un rocher massif, tu ne peux pas accéder à l'intérieur. Allah l'a dit dans le surat Luqman. Ya bunayya, inna intakum mithqala habatin intakunu mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin. Fi sakhratin, c'est ça le verset ici. Même si, hein, comme on a dit, un grain de moutarde, si c'était dans un rocher massif, fi sakhratin. Allah Azza a dit ça pour une raison. Hein, un rocher massif dont personne ne peut accéder à son intérieur, eh bien Allah sait ce qui s'y trouve. Et fait sortir de ce rocher le poids d'un atome. Ça veut dire quoi? Prends donc garde en mon fils et crains Allah le Très-Haut. Et Cheikh, il termine en disant, comment est bénéfique cette manière d'éduquer les enfants? Alors maintenant, si c'est de répéter ce que je viens de dire. توكل على الله. صحيح، احسنت، اكسلون، تفضل. 39e bénéfice. J'ai pas traduit. Cheikh Rabi'a. Cheikh Rabi'a, dans, tu vois qu'on a dit, il a fait la recommandation de Luqman dans son recueil de fatawa, volume 2, page 479. Cheikh Rabi'a bin Hadi al-Madkhali. Ça va? Non, Cheikh Rabi'a. 39e. الفائدة التاسعة والثلاثون إن الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه سورة الزلزلة وهذا مأخوذ من قوله تعالى إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. 39e bénéfice, eh bien, c'est la mesure de poids. Le jour du jugement dernier est en poids d'atome. Ça fait réfléchir, ça aussi. La mesure de poids, le jour du jugement dernier, est en poids d'atome. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien fils du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fils du poids d'un atome, le verra. Regardez le Coran. Hein, comment il t'éduque. Hein, c'est peut-être une sourate qu'on lit tout le temps. C'est vrai ou pas, hein? Qu'Allah fasse partie, qu'on fasse partie des gens qui sont les gens du Coran. Qui mémorisent le Coran, des huffaz. Et quand on dit huffaz, c'est-à-dire qui mémorisent le texte par cœur. Bi'itqan. Hein? Al-mahirin bil-Quran. Et qu'ils le comprennent et le mettent en application. Allahumma amin. Et ceci est pris de la parole d'Allah. Inna intakum ithqala habbatin min khardal. Fût-ce le poids d'un grain de moutarde. 40e bénéfice. On arrive à la fin petit à petit. Inna al-mazalim la tadi' wa in qallat. وكل مظلمة سيؤتى بها يوم القيامة حتى وإن كان أمرا قليلا وشيئا يسيرا ولهذا قال بعض المفسرين في معنى إنها إن تكون مثقال حبة من خردل يعني المظلمة ولو كان صغيرة جدا يأتي بها الله جل وعلا. 40e bénéfice tiré de ces recommandations de Luqman à son fils Luqman le sage. Les injustices ne sont pas perdues. Et ce même si elles sont moindres. Chaque injustice sera amenée le jour du jugement dernier. Et ce même si c'est une petite affaire et une petite chose. C'est pour cela que certains exégètes du Coran... C'est juste vérifier qu'il y a toujours le son sur Internet. Sur Palto de Kabou Zakaria. C'est pour cela que certains exégètes du Coran, juste sur Pal Talk, hein, ont dit au sujet du sens de Inna intakum mithqala habbatin min khardal, fils le point d'un grain de moutarde, c'est-à-dire l'injustice, le préjudice. Et ce même si elle est extrêmement petite, Allah la fera venir le jour du jugement dernier. Attention, wadhulm dhulumatum al-qiyama. Hein? La justice, c'est une obscurité le jour du jugement dernier. Attention à ne pas être injuste envers les gens. Et avant les gens, envers Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant quoi? Le shirk. Ah, en premier. Hein? Quarante et unième bénéfice. Al-fa'idatu al-hadiyatu al-arba'un. الإيمان باسم الله اللطيف الخبير. Pourquoi? Parce que le verset il termine par Inna Allah latifun khabir. وهما اسمان تكرر ورودهما مستمعين في عدة آيات من القرآن الكريم. واسم الخبير يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء. ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. وأما اسم اللطيف فله معنيان، أحدهما بمعنى الخبير، والمعنى الثاني الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. Le 41 bénéfice, c'est aussi très très important. Je vous rappelle la parole d'Ibn al-Qayyim, hein, d'être attentif. La croyance aux deux noms d'Allah, Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif, et on a dit que c'est très très difficile de traduire les noms et attributs d'Allah, Azza wa Jal. Al-Latif, l'infiniment doux. Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Ces deux noms ont été rapportés de maintes fois ensemble dans de nombreux versets du noble Coran. Al-Khabir, son sens revient à la science des choses invisibles, qui sont d'une extrême subtilité et d'une extrême petitesse et d'une extrême invisibilité. Regardez comment est terminé le cheikh ici. Il est donc plus évident Allah, alors qu'Allah sait les choses visibles et apparentes. Regardez le fait des gens de science. Tandis que le nom Al-Latif a deux sens. Le premier, avec le sens de Khabir, parfaitement connaisseur. Et le deuxième, celui qui fait parvenir à ses serviteurs et ses alliés. Et on avait défini c'est quoi un allié, hein, de les frères qui font les cours avec moi, qu'on a fait Sharh Usul Sittah, Sharh Abil Jabiri. On en a parlé en long et en large. Awliya, c'est qui le wali? Ce qui me donne la définition d'Ibn Taymiyyah parmi les frères qui ne sont pas résidents. Du wali, avec le verset du Coran, je lui donne un livre. Ou une sœur. Enfin, et une sœur. Il faut être précis quand on parle. Hein. Mais je ne dis pas parce que si je dis, les sœurs elles vont savoir. Hein? Alors parmi les résidents, hein? Essaye de pas, vas-y. Bon, moi j'ai éteint le micro juste pour que vous n'entendiez pas la réponse, les sœurs. Hein, à la koulihal, les sœurs peuvent répondre sur un morceau de papier. Je veux la parole d'Ibn Taymiyyah, c'est quoi? C'est qui un wali? Et le verset du Coran qu'il a utilisé comme preuve. Donc on répète cette phrase-là. Le deuxième sens de quoi? On a dit de Al-Latif. Hein, après le Khabir, c'est aussi celui qui fait parvenir à ses serviteurs et ses alliés leurs intérêts avec douceur, Allahu Akbar, et bienfaisance, par des voies dont ils n'ont pas conscience. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Le 42e bénéfice. Al-fa'idatu thaniyatu wal-arba'un. Makanatu salah, wa ahamiyatu iqamatiha. وتنشئة الصغار على المحافظة عليها فالصلاة من أعظم الواجبات وأجل الفرائض التي افترضها الله على عباده، وهي عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين، وهي الصلة، الصلة بين العبد وربه. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzani dit, si tu veux voir ta relation avec Allah Azza wa Jalla, regarde ta salah. C'est ça ta mesure. Allah al-musta'an. وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله. وإذا فسدت فسد سائر عمله. وهي الفارقة بين المسلم والكافر. فإقامتها إيمان وإضاعتها كفر وطغيان. فلا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من حافظ عليها كانت له نورا في قلبه ووجهه وقبره وحشره، وكانت له نجاة يوم القيامة، وحشر مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. 42e bénéfice, très très important aussi. Et là on touche le point des adorations. Le statut et la position de la prière, chers frères et chers sœurs en Allah Azza wa Jal, et l'importance de s'en acquitter convenablement. De revoir les versets sur la prière, c'est pas sallo, c'est aqimu salah. Alladina yuqimuna salah. Et l'éducation des jeunes à préserver la prière. La prière a été rendue obligatoire par Allah à ses serviteurs. Et on avait vu dans nos cours de Sifat Salah de Cheikh Bezmoul, pour les frères qui sont avec moi, pendant l'année ici, on a vu le magnifique hadith, hein, quand la prière a été prescrite. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a... Non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait cette nuit-là? Je vous ai déjà aidé, khlas. Hein? L'ascension nocturne. Hein? Et qu'il a vu chaque... Hein? Il a vu ses frères parmi les prophètes. Hein? Et Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Il souriait en regardant d'un côté, il pleurait en regardant de l'autre. Pourquoi? Parce que d'un côté, hein? Exactement. Et du paradis. Donc d'un côté, il regardait en riant, et d'un côté en pleurant. C'est magnifique, Annie. Ce genre de hadith. Vous voyez, regardez, en tant que salafi, on doit avoir le hub le hadith. C'est pour ça que parmi les noms des salafis, c'est Ahlul Hadith. Hein? On entend ces hadiths-là. Rentre à la maison, ya akhi. Va voir dans Sihah. Va voir ce hadith. Cherche l'explication d'un alim. Va voir ce qu'Ibn Hazar il a dit. Hein? C'est ça l'attachement au hadith. Vous voyez des gens, parmi les gens de Dalal ou de Kufr, ils connaissent sur ce quoi ils sont par cœur. Hein? Ils connaissent le chanteur, où il est né, ils connaissent le footballeur, combien de buts il a marqué en telle année, etc. Et quand je dis, hein, c'est même certains musulmans. Hein. Combien, exactement, ça ne rejoint pas ce qu'il a dit Hassan. Hein? Non, quand il a vu un petit garçon dans un magasin, il lui a dit, hein, il a dit, c'est qui ça sur ton dos? Je ne me souviens plus moi du nom qu'il a dit. Hein? Hein? C'est une équipe de football très connue. Il a dit, Kada, il a dit, c'est qui Abou Bakr, hein? Il lui a dit, c'est ça. Hein? Il a dit, c'est qui Abou Bakr? Et le petit, il a dit, oui, il joue dans quelle équipe? Et Hassan, il a dit, c'est pas marrant, il a raison. Mais c'est ça que nous, c'est comme ça que nous on doit être comme ça sur la vérité. Yani, chaque point de la vérité doit aussi le connaître, être curieux, avoir cet amour de chercher. Cet intérêt, ce vif intérêt. Ce désir ardent de connaître la sunna. On connaît tous l'Isra wa al-Mi'raj. Qu'est-ce qu'on connaît en détail, ce qui s'est passé exactement, hein? Sur la prescription de la prière notamment. Et c'est pour ça que j'en parle ici. Hmm? Et qu'à la base, on avait combien de salats prescrites? 50. Et que ça a été allégé jusque 5. Et qu'on a quand même la récompense de 50. Et qu'on sait ça nous aide à le faire ou pas? Il y a une sœur qui a répondu en français, c'est juste. verset 62-63, sourate 10, sourate Younus. Waliyullah walladhi. Il y a une sœur qui a dit Waliyullah walladhi yattaqi maharimallah bita'atihi wa sinabi nawahih. C'est juste, mais ce n'est pas la définition d'Ibn Taymiyyah, mais je lui donne quand même un cadeau. Tayyib ? Si ils savent envoyer quelqu'un pour prendre les cadeaux. Donc on est tous les frères. La prière a été rendue obligatoire par Allah à ses serviteurs. Elle est la base de la religion et le pilier de l'islam, le plus important après les deux attestations de foi, les deux shahada. Elle est le lien entre le serviteur et son seigneur. Et elle est la première chose dont le serviteur d'Allah devra remettre des comptes le jour du jugement dernier. Une petite discussion des ulama par rapport à ce point-là, on en avait parlé dans le livre de Cheikh Bazmoul. Et si elle est correcte, tout le reste de ses actions seront correctes. Et si elle ne l'est pas, tout le reste de ses actions ne le sera pas. Elle est ce qui différencie le musulman du mécréant. Le fait de s'en acquitter est un acte de foi. Et le fait de l'abandonner est une mécréance. Pas de religion pour celui qui ne prie pas. Et on n'a aucune part en islam, celui qui abandonne la prière. Celui qui la préserve, elle sera une lumière pour lui dans son cœur. Et sur son visage. Et dans sa tombe. Et lors de sa résurrection. Et elle sera une salvation pour lui le jour du jugement dernier. Il sera alors ressuscité parmi ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Parmi les prophètes, alayhi salatu salam, et les véridiques, as-siddiqoun, et les martyrs, as-shuhada, et les vertueux, as-salihoun. Et quel bon compagnon que ceux-là. Et d'ailleurs dans le verset quand on dit « Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim » Est-ce qu'Allah nous a dit dans Al-Fatiha, c'est qui? Ceux dont il est comblé de bienfaits? Non, il n'a pas dit. C'est dans un autre verset du Coran. Surat. Hein? T'es pas loin. Ou le verset carrément. Oulaïka ma'al ladhina an'ama Allahu alayhi mina. من النبيين والصديقين ويا الذين أنعم الله عليهم بلا ديسك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا et quel bon compagnon que ceux-là. C'est ceux-là qu'Allah a comblé de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Si je me trompe pas, Nissa. Hein? À ce moment-là de la Dora, on commence un peu. Hein? Ne demande pas le numéro. Là, hein? Celui qui ne la préserve pas n'aura pas de lumière, ni de preuve, ni de salvation le jour du jugement dernier. Donc vérifie la référence. Hein? Et il sera ressuscité. Oulayadoubila, écoutez ça. Il sera ressuscité avec Pharaon et Haman. Et Qarun, et Ubay ibn Khalaf, qu'Allah nous en préserve. Celui qui ne la préserve pas, n'aura pas la lumière, ni de preuve, ni de salvation le jour du jugement dernier. Le 43e bénéfice. Al-fa'idatu thalithatu wal-arba'un. Tadribu al-abna' ala al-amri bil-ma'ruf, wa al-na'in al-munkar, mundu al-sigar, fa fi dhalika naf'un lahum wa lil-akharin. C'est une très belle fa'ida. لأن الابن إذا نشأ من الصغر داعية إلى الخير سيستفيد هو ويستفيد الآخرون أما الفائدة التي تحصل له أن دعوته للآخرين تكون تحصيلا له من أن يدعوه إلى المنكرات عفوا من أن يدعوه إلى المنكرات نعم صحيح وقد قيل قديما إذا لم تدعو جلسيت جسلا تدعى فإذا كان الابن داعية إلى الخير فهذه في حد ذاتها تكون له وقاية من دعاة الشر لأنهم عرفوه بأنه داعية إلى الخير فيجدون أنه لا سبيل لهم إليه، وأما نفع الآخرين فربما يهتدي على يديه أناس فتكون هدايتهم في ميزان حسناته. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم، il faut pas dire حمر dans le hadith. Pourquoi? Parce que le حمر c'est le pluriel du حمار. En arabe ici il faut être précis. حمر avec سكون الميم. حمر نعم. حديث أخرج البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 43e bénéfice, ça c'est très très important, ouvrez bien vos oreilles et vos cœurs, comme on l'a dit au début de la daura. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. La formation des enfants à commander le convenable et à interdire le blâmable dès le plus jeune âge. Il y a en cela une grande utilité pour eux-mêmes et pour les autres, car si l'enfant est dès le plus jeune âge un prêcheur, il en tirera lui-même les bénéfices et les autres également. Dire c'est ce qu'on essaie de faire toujours à l'école, c'est l'amr bil ma'ruf anhi al munkar. Le petit, il est en classe et il fait l'amr bil ma'ruf anhi al munkar. S'il voit un de ses collègues qui fait une bêtise, il lui rappelle. Il dit taqillah. Ils se sentent concernés, on voit que c'est vrai. Le petit se sent concerné. Hein. Je vois certains de mes collègues qui font ça de la tête. Hein, parce qu'ils savent que c'est bénéfique. Hein. Il y a en cela une grande utilité pour eux-mêmes et pour les autres. Car si l'enfant aide le plus jeune âge un prêcheur, il en tirera lui-même les bénéfices et les autres également. Le bénéfice que lui en tire, c'est que son appel aux autres le préservera d'être appelé lui au péché. On disait avant, il était dit avant, si tu n'appelles pas, tu es appelé. Si tu n'appelles pas, tu es appelé. Donc si cet enfant est un prêcheur qui appelle au bien, cela même sera pour lui une protection contre les prêcheurs du mal. Car ils savent qu'il est un prêcheur qui appelle au bien et que donc ils ne peuvent pas l'atteindre. Et c'est vrai. Quand les gens ils savent quelqu'un, il fait l'amr bil ma'ruf wa nahy al munkar. Il laisse pas passer les choses. Ah. Là, c'est différent, hein. D'accord? Si vous faites une assise de riba, on va pas aller l'appeler l'invité, hein. Hein? C'est juste ou pas? Si vous voulez faire quelque chose de haram, on va l'éviter. On va pas aller l'appeler. Parce qu'on sait qu'il va être l'empêcher de tourner en rond, comme on dit. Tandis que le bénéfice qu'en tirent les autres, c'est que peut-être certaines gens seront guidés à travers lui. Leur guidance sera donc dans la balance parmi ses bonnes actions à lui. Donc voyez le fa'ida. Pour lui-même, les nefsi ou les ghayri. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une traduction approximative du sens, qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Et ce qui était à l'époque le bien le plus précieux. Qu'est-ce qu'il avait dit, cher Fahri Ismail? Il avait dit, c'est comme quoi maintenant aujourd'hui les Rolls Royce. C'est ça qu'il avait dit. Hein, il avait donné un exemple. Ou il avait dit une Cadillac, je ne sais plus. Hein, il avait dit, c'est le, hein, c'est le top. Rapporté par le Bukhari, 3009 et 4210, d'après Sahl ibn Sa'd. 44e bénéfice. Encore un peu de patience, on arrive au bout. Je ne suis pas sûr de faire encore un autre cours aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé, Ammar n'a pas eu l'occasion comme il n'était pas bien hier, on va essayer peut-être de lui laisser de faire deux cours si on n'a pas de shir aujourd'hui. Donc je vais essayer comme de finir aujourd'hui, Inch'Allah. Le 44e bénéfice, Al-Fa'idatu al-Rabi'atu wal-Arba'un, Al-Wasiyatu bis-Sabri, les du'at ila Allah Azza wa Jal, La siyama du'at ila Allah, wal-amiruna bil-ma'ruf, wal-nahun anil munkar. فمقامهم يحتاج إلى صبر عظيم واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Laisse-le jouer. Hein? C'est pas n'importe qui, c'est Abu Bakr. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Le 44e bénéfice, la recommandation de patienter, surtout pour les prêcheurs, qui appellent à Allah, et ceux qui commandent le convenable, et interdisent le blâmable, car leur position requiert une patience immense. وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. La traduction du sens, et endure ce qui t'arrive avec patience. Écoutez la fin. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Des fois, c'est une petite faïda que Cheikh Taqiddin El-Hilali il avait rapporté. Rahimahullah. Ce qu'il disait que il donnait cours, si je me souviens, c'était Al-Haram. Il disait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à ses cours et d'autres sur presque personne. Il a dit Allah il teste l'ikhlas des gens de différentes manières. Hein? Tu peux voir le masjid ici, il y a 3000 personnes, masha'Allah. Attention, il faut être sincère. Hein? C'est un stoufiq min Allah. Hein? Reste les pieds sur terre. Et des fois, tu as un frère devant toi. Deux frères. Continue à akhifillah. Continue urti. Hein? Hein? Pardon? Cheikh Abdullah al-Bukhari. Allahu Akbar. Il était tout seul. Allahu Akbar. Il était pas, il y a peut-être des djinns. Hein? Hein? Le frère Zala Khair nous rapporte une faïda ici. C'est que quoi? C'est qu'Abdul al-Bukhari, il a rapporté de Cheikh Mohamed Amel Jami. Que quoi? Hein? Que Cheikh Mohamed Jami, une fois il a donné cours, il était tout seul. Vous savez, c'est qui Cheikh Mohamed Amel Jami? Hein? Les chiouchs, comme dit Cheikh Fal-Ismaïl, c'est le chiouch de Cheikh Fal-Ismaïl, t'as déjà tout compris. Hein? Cheikh Mohamed Amel Jami, rahimahullah, les ulama Amédine, il l'appelait Al-Oustad. Spécialisé dans l'Aqidah. C'était le directeur des hautes études dans l'Aqidah à l'université de Médine. C'est qui l'a mis là? Cheikh Ben Baz. Il ne va pas mettre n'importe qui. Hein? Il y a des biographies qui ont été imprimées. Il y avait même à l'époque une matouya qui avait été faite, hein, par les frères de Fourqan, on est aux Émirats à l'époque, et qu'ils avaient fait Tarjamat al-Sheikh Mohamed Amel Jami. Regardez dans ses livres, comme par exemple As-Sifat Ulahiya, qui est un gros volume dans As-Sifat qui est excellent, de Sheikh Mohamed Amel Jami, rahimahullah, hein, et vous allez voir sa biographie, vous allez comprendre qui c'est. Tout seul, il y a Ikhwa, tout seul. Hein. Alors, ce n'est pas nous, des fois, avec nos petits cours en français, hein, qui devons nous sentir des fois un peu seuls ou. Ou s'il y a beaucoup de monde, qu'on doit se sentir un peu indifférent. Pardon? Oui, il était parmi le. Il était de la Habesha, hein? D'Érythrée, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit en français, non? Hein? À la Kolihal. Retournez à sa biographie, ça va? Le 45e bénéfice. الفائدة الخامسة والأربعون إن عزائم الأمور لن ينهض لفعلها إلا النفوس الكبار. Très important aussi. Et ça, on rejoint, vous souvenez ce qu'on a dit par le Saadi, ceux qui ont des raisons pures, intelligentes, ils font passer quoi? Les frères qui n'étaient pas là vendredi, c'est normal qu'ils ne sachent pas, ils font passer le supérieur par rapport à l'inférieur. Si tu veux rester dans l'inférieur, fillah, akhi fillah, reste dans l'inférieur. Hein? Mais en tant que salafi, on doit toujours chercher le meilleur. C'est pour ça qu'on demande le firdaus l'a'la. C'est une tarbiya, ça. Toujours chercher le meilleur. Hein? Pas de se contenter de l'inférieur. Regardez ce qu'il dit le cheikh ici. Il dit, le 45e bénéfice, les entreprises, les affaires qui nécessitent une résolution ne se lèvent pour les accomplir que les fortes personnalités. C'est pas n'importe qui fait khutbah de Jumu'a. Hein? Parce que des fois, il y a des frères et critiques. Regardez le marad dans le cœur des gens. Hein? Et moi, je sais de quoi je parle, hein, parce que j'entends beaucoup de choses avec des chaînes de transmission authentiques. Hein? Qu'il y a des frères, des fois, ils font khutbah de Jumu'a et ils se mettent de manière très humble. Et les frères qui connaissent un peu le majid, ils savent de qui je parle. Hein? Qui se mettent de manière très humble sur le minbar. Et il y a des gens qui disent, pourquoi il se met comme ça sur le minbar, lui? C'est quoi cette position qu'il prend? Regardez le marad. Hein? Le marad en arabe. Vas-y sur le minbar, je te mets au défi. Hein, c'est qui avait dit ça? Abou Khadija, elle avait dit ça. Elle avait dit, je défie n'importe qui ici de juste se mettre debout devant le mesjid qui est rempli, hein, et de dire juste quoi, son nom, son prénom, où il habite. C'est ça qu'il avait dit. Bil ma'ana, c'était comme ça. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de faire da'wa. C'est pas facile d'enseigner. Hein? Et toute affaire qui nécessite une résolution, eh bien, ne se lève pour les accomplir que les fortes personnalités. C'est pour ça que inna dhalika min azm al-umur dans sourate Luqman ici. Hein? Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et que c'est pas n'importe qui fait ça. Et alors tête c'est qui les ulama? Regardez, et avant eux les prophètes et les sahaba, hein? La position que les ulama de la communauté ont aujourd'hui et leur travail qu'ils font, c'est donner à n'importe qui. Et vous voyez, quand pour les frères qui ont déjà vu des chouyours, vous avez vu la personnalité qu'ils ont, hein? C'est des gens de très forte personnalité, c'est juste ou pas, hein? Le 46e bénéfice. الفائدة السادسة والأربعون التحذير من الفخر والخيلاء في قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور قال ابن كثير رحمه الله أي مختال معجب في نفسه فخور مختال معجب في نفسه وفخور أي على غيره انظر تفسير ابن كثير المجلد السادس. Le 46e bénéfice, la mise en garde contre l'arrogance et l'orgueil. Allah dit subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. La traduction du sens du verset, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Alors ça va nous remettre un peu en place ici ce qu'on va rapporter, et notamment une très belle faïda de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidahullah. Hein? Ibn Kathir il a dit, c'est-à-dire mukhtal, hein, kulla mukhtalin fakhur, retenez les mots en arabe, mukhtal et fakhur, deux mots. Mortel, présomptueux, imbu de sa personne. Fakhour, orgueilleux envers autrui. Présomptueux de sa personne, imbu de sa personne et orgueilleux envers autrui. Iyada billah min dhalik. Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, j'ai une petite faïda que j'ai voulu vous rapporter, que j'ai trouvée très intéressante. Il dit dans la référence précitée, recueil de fatawa de Cheikh Rabi', volume 2, page 484. ولا تسعر خدك للناس. C'est la suite de sourate Luqman, cette page là. Il dit, et ne détourne pas ton visage des gens. الصعر هو الميل. Ce mot en arabe d'où il vient? ولا تسعر خدك للناس. لا تتكبر على الناس. عندما يكلمك أحد تدير خدك هكذا. هذا من الكبر. يكلمك أحد فتعرض عنه وتلتفت هكذا. وأنت شامخ لا هشاشة ولا انبساط يعني مستكبر ومتعال الصعر ولا تصعر خدك سي لو بونشان ne sois pas arrogant hautain envers les gens. Lorsque vous allez voir ça d'où ça vient dans la langue arabe, lorsque quelqu'un te parle tu détournes ta joue comme cela, hein? Ceci est de l'orgueil. Quelqu'un te parle et tu te détournes de lui et tu tournes ta tête comme cela, en étant arrogant. Ni amabilité, ni gaieté. Il y a des fois des frères, c'est des icebergs, il n'y a pas moyen de le faire fondre, subhanallah. Hein? T'as bon, hein? T'as beau lui faire des sourires, kada, etc. Hein? Et akhi, toi, da'a lillah azza wa jal, souris, akhi. Hein? Sois accueillant du visage, skin sunna. T'es qui toi, akhi fillah? T'es qui, ukhti fillah? Hmm? Surtout des fois, on voit peut-être quelqu'un qu'on prend pour un débutant, alors peut-être qu'il est plus avancé que toi, hein? Et on se comporte de manière là. Soyons modestes. Craignons Allah Azza wa Jal sur ce point-là. Et Cheikh Rabi' Azzallahu Khairan, il va rapporter des choses qui calment bien. Azzallahu Khairan wa Hafidahullah. C'est-à-dire orgueilleux et hautain. Fahada nahyun anil kibr. Wa min atharihi an yalwiya unuqahu hakada. ويسعر خده للناس يعني يلويه هكذا. Et c'est cela que vient le mot sa'r en langue arabe. وهو مرض يصيب الإبل فتلتوي أعناقها فهذا زجر عن الكبر فعليك بالتواضع لله رب العالمين والتواضع لعباد الله المؤمنين تعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة. Ceci, écoutez bien les frères, ouvrez bien vos cœurs et vos oreilles. Ceci est donc une interdiction d'être hautain. Parmi les signes de cela, c'est que tu tords de ton cou comme cela. Hmm? Pour les sœurs, elles imaginent quelqu'un qui tend le cou par orgueil. Hein? Il tord son cou et se détourne des gens de manière orgueilleuse, méprisante. Il y a même des gens, quand tu lui fais le salin, tu lui serres la main, il te fait ça. Comme ça. Man anta, t'es qui toi? Il tord son cou et se détourne des gens de manière orgueilleuse, méprisante. Cela vient de Sa'l, qui est une maladie qui touche les chameaux. Dans la langue arabe. Dont les coups se tordent, qui ont alors un torticolis. C'est pour ça qu'Allah Azzil a dit « Wala tusa'ir khaddaka linnasi » C'est de là que ça vient en fait. Le mot, hein, le terme. Dans la linguistique. Ceci est donc une interdiction d'être orgueilleux. Sois modeste envers Allah, le Seigneur des mondes. Et sois modeste envers les serviteurs d'Allah, les croyants. Comporte-toi bien avec les gens. Et après, il vient dire que Rabbi a un mauvais comportement, qui parle sur les gens. Non, il parle sur Al-Bida Al-Ahwa, ce qui est un excellent comportement. Hafidah Allah. Wal-kibru madmoumun jidda, wa yadfa'u kathira minan nas ila al-kufri billah. Regardez le danger du kibr. Wa yastakbiru fala yastami'u lil-rusul, wa la yasma'u li-ayatillah. Wa idha tutla alayhi ayatuna, walla mustakbiran kal'an lam yasma'ha, kanna fi udhunayhi, waqra. فَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Quelle sourate? Luqman. Première page. L'orgueil est très blâmable et pousse beaucoup de gens à la mécréance. Hein? Dans un de mes anciens jobs, avant, j'ai travaillé comme conseiller en télécommunication, et mon patron, c'était un juif. Et il m'aimait beaucoup. Et un jour, je l'ai attrapé dans un bureau, je lui ai dit, khlas, maintenant on va parler. Hein? Et on a parlé de l'islam. Et à la fin, il m'a dit, il a reconnu que c'était la vérité, il a dit, je ne peux pas accepter que quelqu'un soit au-dessus de moi et me dise quoi faire. Je parle d'Allah. Hein? Regardez le kibr. Regardez le kibr, a'adhu billah. Allah al-musta'an, sallallahu alayhi wa sallam. L'orgueil est très blâmable et pousse beaucoup de gens à la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Ils sont orgueilleux et donc n'écoutent pas les messagers et n'écoutent pas les versets d'Allah. Et quand on lui récite nos versets, ils tournent le dos avec orgueil. Comme s'ils ne les avaient point entendus. Comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Faites-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Alaykoum salam. Harib nafsaka min al-kibr. Khuluqun khabithun. يدفع إلى الكفر وإلى احتقار الناس وإلى رد الحق لهذا الحكيم لقمان on parle ici de لقمان وصى ابنه أن لا يصعر خده للناس أن لا يتكبر على الناس يكلمك أحد وأنت شامخ معرض عنه تواضع أنت إنسان مسكين ضعيف خلقت من تراب خلقت من مني قذر تتغوط وتزور الحمام مرات كل يوم كيف تتكبر على الناس وأنت هذا حالك من أنت ثم لو تصيبك شوكة تبكي منها كيف تتكبر على الناس بطوة contre l'orgueil un comportement ignoble qui pousse à la mécréance et à mépriser les gens, et à rejeter la vérité. Ce que ce sage a commandé à son fils de ne pas prendre un air orgueilleux. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلٍ فَخُورٍ وَقْصِدْ فِي مَشِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ Regardez les recommandations. De ne pas être arrogant envers les gens. Quelqu'un te parle et toi tu es arrogant. Tu te détournes de lui. Sois modeste, akhifillah et akhifillah. Tu es une pauvre personne faible. Tu as été créé de terre. Tu as été créé de sperme malpropre. Tu vas au sel. Tu vas aux toilettes plusieurs fois par jour. Comment donc peux-tu être arrogant alors que tu es dans cet état? Qui es-tu? من أنت ومن أنت؟ Et puis regardez ce que le cheikh dit. Puis si une épine te pique, tu pleures. Hein, t'es arrogant, tu tournes, tu pleures. Comment peux-tu donc être arrogant envers les gens? Et le texte est plus long, moi j'ai fait un résumé du texte de Cheikh Rabi. Retourne à la source, Inch'Allah. Excellente explication des recommandations de Luqman. Fin de citation de Cheikh Rabi et on fait le 47e bénéfice. Hein? Faut patienter, Inch'Allah, oui. On est presque au bout. ولا يستطاعوا العلم براحة الجسد الفائدة السابعة والأربعون الدعوة إلى التوسط والاعتدال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لا صوت الحمير 47e bénéfice l'appel au juste milieu et à la modération. La dora de l'année passée. La salafia, c'est juste milieu entre l'extrémisme et le laxisme. Hein? Vous vous souvenez de celle-là? Hein? Elle est disponible sur notre site. Waqsit fi mashika, waghdud min sawtika, inna ankara al-aswati la sawtul hamir. La traduction du sens dit, sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Le 48e bénéfice. الفائدة الثامنة والأربعون إثبات صفة المحبة لله إن الله لا يحب كل مختال فخور. Regardez le cheikh comment il a pris un peu dans l'aqida une صفة de l'azal qui est la mahabba. 48e bénéfice, c'est l'affirmation de l'attribut de l'amour à Allah. إن الله لا يحب كل مختال فخور. Car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Alors maintenant, si tu veux être parmi que les gens, ils n'aiment pas, ça revient à toi. Ça, hein? C'est à toi. C'est toi qui prends le choix, qui fais le choix. الفائدة التاسعة والأربعون دعوة الشريعة إلى مكارم الأخلاق وتحذيرها من رديئها. 49e et avant-dernière de cette daura. En ce qui me concerne, 49e bénéfice, l'appel de la législation islamique au noble comportement. Sa mise en garde aussi contre les vils comportements. الفائدة الخمسون والأخيرة السنكونتين بنفيس الدرنيه أهمية ضرب الأمثال في التعليم فقوله واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لو كان ذا فائدة مثل بليغ في أن الرفع الصوت الفاحش المنكر لو كان ذا فائدة لما اختص به هذا الحيوان الذي علمت خصته وبلادته فهذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا السياق المبارك. وعلى كل فإن هذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه تجمع أمهات الحكم عليكم السلام وتستلزم لما لم يذكر منها وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إذا إن كان أمراً وإلى تركها إن كان نهيا وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة أن العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها فأمره بأصل الدين وهو التوحيد ونهى عن الشرك وبين له الموجب لتركه وأمره ببر الوالدين وبين له السبب الموجب لبرهما وأمره بشكره وشكرهما ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية ومع ذلك فلا يعقهما بل يحسن إليهما وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها ونهى عن التكبر وأمره بالتواضع ونهاه عن البطر والأشر والمرح وأمره بالسكون في الحركة والأصوات ونهاه عن ضد ذلك وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر كما قال تعالى فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة Et tout ce qu'on vient de dire, c'est de, sur Saadi, dans son tafsir, page 752. وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي لقمان الحكيم خير الجزاء وأن يغفر لنا وله وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه هو الغفور الرحيم اللهم آمين Et je termine par ce point de cette dora me concernant le 50e bénéfice et dernier bénéfice parmi les 50 tirés des recommandations de Luqman le sage à son fils. Dans cette dora sous le titre de « Parmi les perles du Coran ». L'importance de donner des exemples dans l'enseignement. « Waghdoud min sautik »« Inna ankara al-aswati la sautu al-hamir » Et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. C'est un exemple explicite. Car s'il y avait un bienfait dans le fait de lever la voix en disant une obscénité, cet animal, l'âne, dont la bassesse et la stupidité sont connues, n'aurait pas été cité de manière spécifique. Voilà donc certains bénéfices, chers frères en Allah Azza wa Jal et sœurs en Allah Azza wa Jal, tirés de ce passage coranique béni. L'imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, Rahimahullah ta'ala, car il fasse miséricorde et le récompense par le Firdaus A'la, c'est que tous les savants et les gens de science de la Sunna. Les recommandations de Luqman. Il a dit les recommandations de Luqman à son fils regroupent les sagesses originelles. Et comprenez bien ce mot-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas cité toutes les sagesses, mais ici ce sont les sagesses originelles. Ummahat al-hikam. Qui implique d'autres sagesses qui n'ont pas été citées ici. Chaque recommandation doit être jointe à ce qui appelle à sa mise en application si c'est un ordre, et son délaissement si c'est un interdit. Ceci indique que ce que nous avons vu quand on a expliqué la sagesse comme étant la science des jugements et leur sagesse et leurs circonstances. Il lui a commandé à son fils de vouer une adoration exclusive à Allah. Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Et il lui a interdit de lui associer à Allah quoi que ce soit. Et lui a montré ce qu'implique le délaissement de l'illicité. Inna shirka la dhulmun azim. Il lui a commandé d'obéir aux parents. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. C'est ça le verset ou pas? Hein? L'autre verset, surat al-Isra, ce matin, salat al-Fajr, ici. Hein, l'imam, il a lu ce verset. Il lui a montré ce qu'implique le délaissement de l'unicité. Il lui a commandé d'obéir aux parents. Il lui a indiqué ce que rend obligatoire cette obéissance. Il y en a vu plus pour la mère. Ommok, thumma ommok, thumma ommok, thumma abok. Et lui a commandé d'exprimer sa gratitude envers lui, Allah, anishkur li wali walidayk, et envers ses parents. Il est al-masir. Et la raison, elle est là. On retourne tous vers Allah Azza wa Jal. Puis il a mis comme restriction à l'obéissance aux parents que ce ne soit pas dans la désobéissance d'Allah. فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ فَلَا تُطِعْهُمَا. Attention. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. C'est ce qu'on appelle, hein, ici le cheikh l'a dit, احْتَرَزَ, احْتِرَز, hein, une condition restrictive. Et indiquer ce qui rend obligatoire cette obéissance, il lui a commandé d'exprimer sa gratitude envers lui, comme cela, Allah, et envers ses parents. Puis il a mis comme restriction à l'obéissance aux parents que ce ne soit pas quoi ? Dans la désobéissance d'Allah, car comme on l'a vu, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à ? Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. La ta'ata fi makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq, subhanahu wa ta'ala. Mais, walakin, que malgré tout, il ne devait pas en tout, c'est ça qu'il faut comprendre ici, leur désobéir. Mais de plus, devait quand même être bienfaisant à leur égard. Même s'il lui commande de donner des associés à Allah, et lui a commandé de craindre Allah, et lui a fait peur en lui rappelant qu'il retournera vers lui. Hein? واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. Qu'il retournait vers lui et vers Allah, et qu'Allah ne laisserait ni petite chose ni grande chose en bien sans qu'il ne la fasse venir le jour du jugement dernier. Il lui a interdit d'être arrogant, il lui a commandé d'être modeste, il lui a interdit la pétulance, l'insolence et l'arrogance dans la démarche. Il lui a commandé d'être calme dans les paroles et les actions. Il lui a interdit le contraire. Il lui a ordonné de commander le convenable. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et d'interdire le blâmable, de s'acquitter de sa prière et d'être patient. أَقِمِ الصَّلَاةِ. Hein? Et ces deux choses par lesquelles, la prière et la patience, tout devient facile comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Celui qui fait ces recommandations mérite certes donc d'être cité de manière spécifique quant à sa sagesse. Et d'être célèbre pour cette sagesse. C'est pour ça qu'on dit « Luqman al-Hakim, sifatun lazimatullah ». C'est pour cela qu'il fait partie des bienfaits d'Allah sur lui, Luqman, et sur tous ses serviteurs, qu'il aura compté de sa sagesse. Ce qu'il sera pour eux un bon exemple à suivre. Tafsir ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, page 762. Et un arbre, un bon arbre, on voit ça par quoi ? Par les bons fruits. Cheikh Sa'di, c'est qui ses élèves ? Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Abdullah, hein ? Al-Bassam, et d'autres encore. Beaucoup d'autres. Parmi les kibar. Je demande à Allah, le cheikh termine en disant, je demande à Allah le trio par ses noms exemplaires et ses hauts attributs de nous faire bénéficier de ce que nous avons appris et qu'il fasse que ce que nous avons appris soit une preuve pour nous et non contre nous et qu'il nous donne la science bénéfique et l'action vertueuse. Et je demande à Allah le trio qu'il nous récompense Luqman le sage de la meilleure des récompenses. Et qu'il nous pardonne ainsi qu'à lui, ainsi qu'à tous les musulmans et toutes les musulmanes, et aux croyants et aux croyantes, les vivants parmi eux et les morts. Il est certes le très pardonneur, le tout miséricordieux. Allah le très haut, le plus savant, et que la prière d'Allah et son salut soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses proches et tous ses compagnons. Il y a un frère ce matin, Salat Fajr, quand je l'ai pris dans ma voiture, il m'a dit qu'il était triste parce qu'il devait partir. Sachez, Ikhwa Fillah, que c'est partagé. Qu'Allah vous préserve. Wallahu ahlam. Wa subhanakallahumma hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت، إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.